À l'heure où en France, Anne Hidalgo peine à lancer sa campagne, les sociodémocrates allemands viennent tout juste de réussir à conclure une coalition. Alors quel avenir pour les gauches en Europe? On va tenter d'y apporter une réponse aujourd'hui. C'est l'heure d'Europe & Roll, bienvenue. Actu. Débat. Culture. Idées. Musique. Ça c'est l'Europe. Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe & Roll. Bonjour et bienvenue sur Fadjet, vous êtes bien installé pour comprendre et décrypter l'actualité européenne en une demi-heure, puisque vous êtes à l'écoute d'Europe & Roll. Alors que le débat stérile sur l'immigration et les soi-disant valeurs prend de plus en plus de place au sein de la campagne présidentielle, une question se pose, quel est l'avenir des partis de gauche en Europe? Et ça tombe bien, puisque c'est le sujet de cette 9e émission d'Europe & Roll. Pour tenter de répondre à cette question, notre invité en milieu d'émission sera Pierre Larouturou, qui est député européen du groupe des sociodémocrates, mais il est également fondateur du parti Nouvelle Donne et rapporteur général pour le budget européen. A noter qu'il est surtout candidat à la primaire populaire pour la présidentielle 2022, il nous donnera son analyse de la campagne présidentielle. Mais d'abord, on va faire un tour de l'actualité européenne. On commence cette émission par votre journal hebdomadaire, c'est le journal européen. Mon très cher Lucas, chers auditeurs et très chers chroniqueurs, quel plaisir de vous retrouver encore, encore et encore. Bienvenue dans ce nouveau résumé de l'actualité européenne. Alors, cette entrée en matière peut vous sembler un peu grandiloquente, hein, je l'avoue, mais c'est que cette semaine a été riche en émotions. Comprenez-moi, il me faut extérioriser un peu tout ça. Et on comprend bien. Alors, quelle nouvelle nous apporte ton éloquence aujourd'hui? Arrête, pas parce que c'est moi qui écris tes relances qu'il faut me flatter comme ça. Alors, d'abord, chers auditeurs, vous vous souvenez, j'espère, que de notre émission sur les élections allemandes et sur leur importance pour l'Union européenne. Pour rappel, Angela Merkel quitte la chancellerie allemande après plus de 15 ans à la tête de l'Allemagne. Première puissance économique européenne, membre fondateur de l'Union, moteur des institutions et notre partenaire au sein du très fort couple franco-allemand. En fait, l'Allemagne, c'est un peu la star de l'Union européenne. Et depuis ce mercredi, son étoile montante est définitivement Olaf Scholz. Un nom qui sonne effectivement familier, peux-tu nous présenter un peu le personnage? Mais avec plaisir. Olaf Scholz, c'est la figure de proue du SPD, le parti social-démocrate qui a dévoilé mercredi son accord avec les libéraux et les verts, formant ainsi la première coalition tricolore, rouge, jaune et verte, à la tête du pays. Herr Scholz succédera donc à Angela Merkel en tant que chancelier, avec un programme intitulé, je cite, « Oser plus de progrès, alliance pour la liberté, la justice et la durabilité ». Un vaste programme effectivement, et l'actualité dans le reste de l'Union européenne? Et alors rapidement, on le sait, la pandémie de Covid-19 explose à nouveau en Europe avec une augmentation des cas de 11% la semaine dernière. Cela cause naturellement deux grandes inquiétudes, mais ce n'est pas la seule crise à l'œuvre en ce moment, figure-toi. Ça serait trop simple, puisqu'on parle aussi beaucoup d'immigration. Et oui, quelle surprise, je sais. 31 personnes migrantes ont tragiquement perdu la vie ce mercredi dans la Méditerranée, et ils ne sont malheureusement ni les premiers, ni les seuls et ni les derniers. On pense évidemment aux victimes. La rapporte toutes nos pensées. J'imagine que la position de l'Union européenne fait parler d'elle. Oui, puisqu'elle est encore une fois effectivement au devant de la scène. La Commission européenne a présenté mardi une liste noire d'entreprises facilitant l'entrée de migrants sur le territoire européen. L'idée étant de sanctionner notamment économiquement ces entreprises dites « complices » d'une, je cite, « traite de migrants ». Cela se place bien sûr dans le contexte de l'arrivée de personnes bélarusses sur les territoires de l'Union européenne à travers la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Malgré cette annonce, pourtant, l'Union est aussi critiquée et accusée d'avoir une position ambivalente avec par exemple la demande au Parlement européen de Svetlana Tikhanovskaya, excusez-moi pour la prononciation de son nom, chef de l'opposition bélarusse et qui plaide pour plus de fermeté à l'encontre du gouvernement bélarusse d'Alexandre Loukachenko. Un débat qui, on le sait, n'en finira jamais, mais nous serons bien sûr toujours là pour vous faire part de ces avancées. Merci Cécile pour ce journal européen. On parlait du chancelier sociodémocrate allemand Olaf Scholz. Est-ce qu'un ou une présidente socialiste est envisageable en France? Nous en parlerons dans un instant avec Pierre Larouturou. Mais c'est d'abord l'heure de souffler un petit peu. Alors Juliette, la gauche en Europe, est-ce que ça t'a inspiré musicalement? Salut Lucas, oui. On commence d'ailleurs par une petite musique du collectif toulousain Motivé. Mais enfin Juliette, je sais bien que tu viens de Toulouse, mais ne viens pas polluer la Lorraine avec ton accent à la Castex. J'ai fait ce que je veux, Lucas. Donc une chanson du collectif de gauche toulousain Motivé. Donc Motivé, c'est quoi? Kezako, comme on dit chez moi. C'est un collectif musical, mais aussi un mouvement politique français de gauche, créé notamment à l'initiative des membres du groupe de musique Zebda. Tu vois... Tomber la chemise, oui. Bah, c'est eux en fait. Donc ici, Motivé nous offre une reprise d'un des plus beaux chants de lutte du monde, et sûrement le plus beau chant de lutte cubain, c'est Hasta Siempre. Yeah. aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todos hasta clara se despiertan para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Siempre comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí. Hasta siempre sur Europe and Roll. De retour sur Europe and Roll pour le grand format de notre émission. Notre invité de la semaine est député européen du groupe des sociaux-démocrates au Parlement européen. Il a fondé en France le parti Nouvelle Donne il y a 8 ans, c'était jour pour jour, c'était le 28 novembre 2013. Mais notre invité de la semaine était surtout rapporteur, le rapporteur général pour le budget européen. Juliette, tu reçois aujourd'hui Pierre Larouturou. Pierre Larouturou, bonjour. Bonjour Juliette. Et bienvenue sur Europe and Roll. Donc vous êtes notre invité aujourd'hui dans cette émission sur la gauche en Europe. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous, avec plaisir. Alors déjà, monsieur Larouturou, je voulais vous poser une question. Vous avez toujours été engagé à gauche, d'abord au PS, puis vous avez créé un mouvement politique qui est qualifié comme étant à gauche. Donc en 2013, Nouvelle Donne. Alors c'est quoi pour vous la gauche ? Grande question, parce qu'il y a des gens pour lesquels ce mot est magnifique. C'est Jaurès, c'est Badinter, c'est des hommes et des femmes qui se battent aux quatre coins de tous nos continents pour la justice sociale, pour la protection de la planète. Et puis il y en a d'autres pour qui le mot gauche, c'est ceux qui ont trahi, ceux qui avaient dit qu'ils allaient faire la séparation des banques, qui avaient dit qu'ils allaient taxer la spéculation et qu'ils n'ont même pas essayé. Donc je ne sais pas s'il faut mettre le mot gauche en avant. Moi, ce que je mets en avant, c'est nos objectifs, notre boussole, c'est effectivement protéger la dignité de tous ceux et celles qui vivent aujourd'hui, de tous ceux et celles qui vivront plus tard. Donc ça veut dire lutter contre le chômage, lutter contre la pauvreté, mais aussi lutter contre le dérèglement climatique. Je suis député européen depuis 2 ans et demi, vous l'avez dit. Ça peut arriver à tout le monde, je ne pensais pas me retrouver député, mais c'est un job très intéressant. Et je me suis engagé pour trouver plus d'argent pour les hôpitaux, pour le climat, pour l'emploi. Le Parlement m'a confié une grande responsabilité. Je suis rapporteur général du budget. Chaque année, il y a une ou un député qui a la responsabilité de négocier tout le budget de l'Europe au nom du Parlement. C'est un boulot un peu fatigant, mais super intéressant. Et l'an dernier, en novembre, il y a presque un an jour pour jour, j'avais fait voter un rapport qui expliquait comment on peut trouver de l'argent pour gagner la bataille du climat. Parce que la question du climat, elle est très concrète. Si on veut rattraper le temps perdu, il faut isoler toutes les maisons, il faut faire les transports en commun, il faut développer les énergies renouvelables, il faut aider les agriculteurs à changer de pratique. Et pour tout ça, il faut des dizaines de milliards. Et on a entendu les gilets jaunes, c'est pas ceux qui gagnent 1000 ou 2000 par mois qui doivent être taxés. Donc j'avais fait voter un rapport par 70% des députés, 70% comme on dit à Bruxelles, 70% des députés qui disaient on peut trouver de l'argent sans taxer les citoyens. Et il y avait 5 propositions. La plus importante était une taxe sur la spéculation. Aujourd'hui, la taxe est à 0,0%. Donc le Parlement européen demande qu'on crée une petite taxe à 0,1%, 0,1% sur les marchés financiers, et elle rapporterait à peu près 60 milliards chaque année. Donc c'est indolore, mais c'est juste qu'à chaque fois que quelqu'un achète une action ou une obligation, il donne 0,1%, 0,1%, et à la fin de l'année, on a 60 milliards. Et si on a 60 milliards au niveau européen, il y a 10 milliards qui arrivent en France, et si on a 10 milliards chaque année, on sait qu'on peut isoler un bon paquet de maisons, qu'on peut faire des transports en commun, qu'on peut aider les agriculteurs. Et si j'ai fait une grève de la faim, c'est que je trouve scandaleux que la France en particulier, le lobby bancaire, mais le lobby bancaire, il s'incarne par des personnes, c'est Emmanuel Macron, c'est Bruno Le Maire, qui bloquent la négociation. J'avais apporté la preuve par une lettre d'un ministre autrichien des Finances, que, y compris la droite autrichienne est d'accord pour taxer la spéculation, mais qu'Emmanuel Macron bloque la négociation. C'est pour ça que j'espère qu'en avril prochain, vous savez qu'il y a des élections présidentielles, j'espère qu'il y aura une autre équipe qui va arriver à l'Élysée, et que si on arrive à l'Élysée au mois d'avril, dès le mois de mai prochain, on fait un sommet européen. Ce sera en plus la présidence française. Vous savez que tous les 6 mois, il y a un nouveau pays qui préside l'Union européenne. Eh bien, on sera en plein dans la présidence française. Et puisque c'est la France qui bloque ces négociations, nous, si on gagne, si je suis dans l'équipe qui gagne, on dira tous les chefs d'État, les 27, vous vous retrouvez dans la maison de Jean Monnet, pas loin de Paris. On prend 3 jours à la fin du mois de mai. Et tous les sujets qui étaient bloqués par la France, on va les débloquer. En 2007, Angela Merkel avait proposé un protocole social. Sarkozy avait bloqué. Mais je crois qu'il est urgent de mettre des critères sociaux au même niveau que les critères financiers de Maastricht. Et vous me parliez de changement climatique. Donc pour vous, la gauche, la bonne gauche, celle de Jaurès, c'est la gauche un peu glorieuse. Pour vous, la gauche et l'écologie, c'est indissociable? Oui, parce qu'on ne sait pas. En gros, il y a 3 familles politiques. Il y a les conservateurs, les libéraux qui font confiance à la main invisible du marché, mais elle est tellement invisible qu'on n'a jamais vu ses bienfaits, sauf pour les multimilliardaires. Et puis ceux qui pensent qu'il faut miser sur l'intelligence et sur la fraternité pour définir des règles du jeu, quitte à les faire évoluer de temps en temps. Et je suis un héritier de Michel Rocard. Là, vous voyez, sur ce bureau, il y a le livre qu'on a fait avec Michel Rocard, qui jusqu'au bout de sa vie porte un combat pour la protection de la planète et pour la semaine de 4 jours. Un des combats qu'on avait lancé en 1993 avec Michel Rocard et qu'il a rappelé encore 3 semaines avant de partir à l'hôpital. C'est ça la bonne gauche, une bonne gauche pour réveiller l'espoir. Et vous me parliez de votre grève de la faim, donc qui avait duré 18 jours, si je me souviens bien, c'est ça, en 2020. C'était pour obtenir plus de moyens de la part de l'UE sur les questions du climat et de la santé, notamment. Oui. Et pour vous, est-ce que on a besoin de faire ce genre d'action, les grèves de la faim, par exemple, pour être entendu? Écoutez, c'est inquiétant. Il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu pendant la grève de la faim. Avec le virus, ça se faisait à distance. Il y avait des gens qui venaient chanter tous les jours devant le Parlement européen. C'était assez émouvant, hein. Moi, j'étais enfermé avec quelques amis au sein du Parlement. Mais il y avait tous les jours des Belges qui se relayaient, Belges ou non-Belges, mais vivant à Bruxelles, pour chanter. Et puis, il y a des gens qui venaient par Internet. C'était Nicolas Hulot, c'était Edgar Morin, c'était des activistes climat. Mais c'est aussi des banquiers, un banquier belge qui a dit que, à titre personnel, il n'engageait pas sa banque, mais qu'à titre personnel, et comme académie, membre de l'Académie royale de Belgique, penser qu'on peut taxer la spéculation, ou même un ministre, le même jour, on a eu le soutien de quelqu'un de la gauche, un syndicaliste très connu en Belgique, qui est un ami, qui est bien de la gauche alternative, et puis Jean-Luc Ruc, qui est l'ancien ministre des Finances de Charles Michel, ministre de l'économie, un homme de droite, et qui disait, oui, on peut taxer la spéculation, on peut demander un effort de 0,1%, 0,1% aux traders, on ne va pas mourir. Donc c'est plutôt inquiétant quand il y a besoin que ça montre qu'il y a un problème de démocratie, et beaucoup de ceux qui m'ont soutenu pendant cette grève de la faim, c'est quand même bizarre, pour ne pas dire inquiétant ou scandaleux, que quelqu'un qui est rapporteur général du budget, qui a fait voter 2 rapports par 70% des députés, a besoin de faire une grève de la faim pour alerter les citoyens sur le poids des lobbies qui bloquent. Voilà. La question des lobbies, elle est fondamentale. Je voyais l'autre jour hein, comment, en 1988 déjà, en 1900, vous n'étiez peut-être pas nés, vous n'étiez pas nés tous les deux, ça ne vous rajeunit pas, hein, mais en 88 déjà, à la une du New York Times, il y avait la courbe qui montrait le dérèglement climatique, parce que les plus grands scientifiques américains avaient fait un rapport qui avait été remis la veille au Sénat, qui avait impressionné tout le monde, et tout le monde s'était dit, ben oui, évidemment, il y a un problème avec le CO2 et avec le climat, et la conclusion de tous les sénateurs qui avaient entendu ce rapport la veille, c'était, on a 20 ans pour sortir des énergies fossiles, c'est pas trop tard, mais il faut qu'on fasse les choses proprement. Dans 20 ans, les États-Unis devaient sortir des énergies fossiles. Et c'était la une du New York Times, parce que c'était très sérieux, très argumenté. Et on est 33 ans plus tard, et on n'a quasiment pas bougé, parce que les lobbies pétroliers, c'est Total, c'est Exxon, disent, on se met le trouble. Peut-être que oui, peut-être que non. Comme les lobbies qui vendaient des cigarettes, on se met le trouble. Mon beau-père est mort d'un cancer du poumon, parce qu'il fumait trop, mais aussi parce qu'on avait fait croire à une époque que le tabac, c'était pas très grave pour la santé. Donc il y a des gens qui sont dans un cynisme monstrueux, il y a des gens qui... Et c'est les lobbies, mais c'est aussi les politiques qui n'agissent pas. J'ai fait la grève de la faim, mais aussi quelques mois plus tard, avec Cyril Dion, avec Ami Etienne, on est allé devant la Cour de justice de la République en France pour dire, manifestement, les ministres ne sont pas à la hauteur des enjeux. On ne dit pas que c'est facile, on ne dit pas qu'on va régler tous les problèmes en 3 jours, on ne dit pas qu'il y a une baguette magique. Mais vous avez vu en France, et c'est valable dans d'autres pays, qu'en France, la justice a condamné à plusieurs reprises l'État. Le Conseil d'État a dit manifestement, le gouvernement français, les gouvernements français et le gouvernement actuel ne font pas ce qu'il faut, pas du tout ce qu'il faut. En gros, Emmanuel Macron avait promis de reprendre l'intégralité des propositions de la Convention citoyenne. Il n'en a repris que 10%. Alors qu'en Allemagne, quand la Cour de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle, dit « attention, danger pour les libertés fondamentales », l'arrêt de la Cour de Karlsruhe est très intéressant, parce qu'ils ne sont pas climatologues, ce sont des juristes, mais qui disent « si on se contente de demi-mesures », alors que la loi climat allemande était plus ambitieuse que la loi climat française. Mais la Cour de Karlsruhe dit « si on se contente de demi-mesures jusqu'en 2030, et qu'après ça, on fait le maximum pour éviter la catastrophe, on aura à ce moment-là des atteintes aux libertés fondamentales qui mettront gravement en danger les libertés fondamentales. Parce qu'il n'y aura peut-être pas de l'eau pour tout le monde, parce qu'on devra interdire totalement les transports, parce qu'on devra vivre dans des conditions difficiles, si on attend trop. » Donc la Cour de Karlsruhe a rendu un arrêt qui a fait beaucoup de bruit, qui dit « Madame Merkel, le gouvernement vous demande d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. » Et Merkel, je pense, n'a pas été très contente pendant 3 jours, mais elle se dit « Bon, ok, si la Cour de Karlsruhe nous demande de nous mettre au boulot, on va se remettre au boulot. » Tandis qu'en France, même quand il y a tous les 6 mois une condamnation du Conseil d'État ou d'un tribunal administratif, Emmanuel Macron continue à dire « Tout va bien, la France est un pays idéal. » Et je n'ai rien contre Emmanuel Macron. Quand il a créé le Haut Conseil pour le climat, j'étais un des 9 sages, avec des guillemets, un des 9 experts que Emmanuel Macron avait nommé dans le Haut Conseil pour le climat. Et je m'étais dit, ben purée, si il crée un Haut Conseil pour le climat, il a fait le One Planet Summit. Vous vous souvenez peut-être, il avait dit, les premiers mots de Macron étaient impressionnants. Emmanuel Macron, devant 80 chefs d'État, quand il ouvre le One Planet Summit, il dit, on est en train de perdre la bataille. Donc je me suis dit, ben lui, il va faire bouger les choses. Hélas, 3 ans plus tard, il ne fait rien. Et même, il insulte ceux qui sont dans la rue pour lui demander d'être plus ambitieux. Merci beaucoup Pierre Larouturou, merci aussi Juliette pour cette interview. Interview à retrouver en version complète et écrite sur le site du Torillon, www.torillon.org. Après toutes ces réflexions autour de la gauche et de l'écologie, on part pour notre deuxième pause musicale. C'est parti. Bon, cette fois pas d'accent du sud, hein. C'est marrant que tu mentionnes ça. Parce qu'en fait, j'ai choisi une excellente chanson de Georges Brassens, hein, qui vient de l'Hérault, du coup. Hein, c'est le sud de la France, je m'excuse. Tu sais que Brassens a servi à alimenter un mouvement espagnol de gauche ? Eh ben non. Eh ben si, en fait. C'est le mouvement de la Nova Canso, ce qui veut dire la nouvelle chanson en français. La Nova Canso, elle s'inscrit dans le courant hispanophone de la Nova Canción, qui est spécifiquement la Nova Canso, elle voulait promouvoir l'usage du catalan dans l'Espagne franquiste, qui opprimait les locuteurs de catalan. Donc c'était des chants de lutte, en fait. Et Brassens, bon, qui était anarchiste dans tout ça, ben en fait, en 1957, un auteur, Josep Maria Espinas, il donne des conférences sur Brassens. Il l'appelle le troubadour de notre ère. Et pour bien montrer son opposition au régime franquiste et promouvoir le catalan, il traduit certaines de ses chansons en catalan, évidemment, et sort l'année suivante 2 disques. Alors maintenant, ces chansons sont considérées comme les premiers enregistrements de musique moderne en catalan. Et bon, la qualité audio dans ces fichiers-là, elle est assez terrible. Alors j'ai choisi de faire passer un original de Brassens aujourd'hui. C'est parti pour la prière. On dit que des enfants s'amusent au parterre et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue Marie, par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié. Par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère a été insultée, je vous salue Marie. Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, s'écrie mon Dieu, par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix du Fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne, je vous salue Marie. Par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tout ce dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pied, par ceux qui sont sans main, par le malade que l'on opère et qui geint, et par le juste mis au rang des assassins, je vous salue Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour redonné et par le mendiant. Georges Brassens sur Europe N'Roll. On était tout à l'heure avec le député européen Pierre Larouturou. On va justement partir un peu au nord de l'Europe avec toi Mathilde, puisque la social-démocratie a une importance toute particulière en Scandinavie. Et oui Lucas, comme tu l'as dit au début de cette émission, au Royaume-Uni, en France ou encore en Italie ou en Grèce, les partis de gauche semblent s'essouffler et ont de plus en plus de mal à recueillir les voix des électeurs. Pourtant, dans le même temps, ce sont bien les sociaux-démocrates qui ont remporté les élections législatives allemandes le 26 septembre dernier. Et dans les pays nordiques, en Finlande, en Suède, au Danemark, mais aussi en Norvège, les partis sociaux-démocrates rencontrent encore un important succès électoral. Qu'en est-il alors de l'état des gauches en Europe? C'est la question que nous avons choisi de nous poser aujourd'hui. Et ce n'est pas par hasard du tout, vous vous en doutez bien, que j'utilise ici le pluriel pour parler des gauches. Parce que oui, en Europe, il y en a bien plusieurs. Traditionnellement, on a eu tendance à opposer l'Europe de la social-démocratie des pays scandinaves à l'Europe du socialisme qui s'ancre davantage au sud du continent. Et aujourd'hui, c'est de la social-démocratie dans les pays nordiques dont tu vas nous parler. En effet, les pays de la péninsule scandinave semblent être les seuls pays en Europe où la gauche possède un ancrage solide lui permettant de rester au pouvoir. En Finlande, une coalition composée des socialistes, des verts, des centristes libéraux et du parti de la minorité suédophone du pays est au pouvoir depuis 2019, avec une femme, Sanna Marin, à la tête de ce gouvernement. En Suède et au Danemark, même constat, des alliances entre les partis de gauche gouvernent. Enfin, en Norvège, les élections législatives de septembre 2021 ont permis à une coalition similaire à celles évoquées précédemment de renvoyer la droite au pouvoir depuis 8 ans dans l'opposition. Ainsi, la péninsule scandinave, est aujourd'hui dominée exclusivement par les partis sociaux-démocrates, exception faite de l'Islande. Cette tendance détonne fortement avec les difficultés rencontrées par la gauche ailleurs en Europe, comme le montrent les exemples français ou britanniques. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce contraste selon toi ? D'abord, il faut bien comprendre que la gauche nordique repose sur la social-démocratie. Ce régime apparaît dans les années 1930 et comprend deux caractéristiques qui le distinguent tout à fait des partis de gauche du reste de l'Europe. D'une part, le régime social-démocrate s'appuie sur une forte base syndicale. Par exemple, en Suède, dans les années 1970, 90% des salariés étaient affiliés à LO, la Confédération des syndicats suédois. De plus, cette base syndicale bénéficie d'un lien étroit avec les partis sociaux-démocrates. C'est dans cette alliance entre syndicats et partis politiques que réside la spécificité de la social-démocratie des pays nordiques. Le travail est donc l'un des piliers du modèle scandinave qui apparaît dans les années d'après-guerre et jusque dans les années 80 comme la meilleure alternative au capitalisme des États-Unis et à l'économie planifiée du communisme. les partis sociaux-démocrates ont su très tôt adopter une position moins frontale vis-à-vis de l'économie de marché que les socialistes du sud de l'Europe. Ainsi, la régulation du marché a permis de faire baisser les inégalités et a favorisé l'apparition de ce qu'on peut appeler un compromis social entre les entreprises et les syndicats. Les partis sociaux-démocrates ont su gagner la confiance de l'électorat en garantissant une protection sociale de l'État pour tous, sans distinction de statut professionnel par exemple. De plus, les démocraties scandinaves sont souvent désignées comme des régimes exemplaires, particulièrement attentifs à la transparence et à l'égalité femmes-hommes. Mais est-ce que cela signifie pour autant que les régimes sociaux-démocrates des pays nordiques ne font face à aucune remise en question ? Alors, comme partout ailleurs, malgré leur stabilité apparente, ces régimes sont menacés d'abord par la montée des populismes. Cette ascension des partis extrémistes a notamment été favorisée par l'augmentation des inégalités depuis les années 1990. Mais on observe également, dans une certaine mesure, un glissement vers la droite des partis sociaux-démocrates des pays nordiques, notamment dans le domaine de l'immigration. Au Danemark, par exemple, un projet de loi du gouvernement présenté au mois de mars 2021 avait pour objectif de réduire la proportion de non-occidentaux dans les quartiers comprenant des logements sociaux. Il semble donc que l'on puisse parler d'une certaine droitisation de la social-démocratie des pays nordiques, justement pour répondre à la montée des populismes. Merci beaucoup Mathilde. S'il y a une dimension primordiale dont nous n'avons pas encore parlé dans cette émission concernant les gauches en Europe, c'est nous, finalement, les étudiants et les jeunes en général. Et finalement, Léandra, tout se remarque dès les fameux repas de famille. Souvent, après des débats fulgurants que je mène avec mon oncle sur des actualités politiques, il me cite le Premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill, qui aurait un jour dit « Si vous n'êtes pas de gauche à 25 ans, vous n'avez pas de cœur. Si vous n'êtes pas conservateur à 35 ans, vous n'avez pas de cerveau. » Et oui, ce n'est vraisemblablement pas une surprise si je vous disais que la plupart des jeunes ont plutôt tendance à voter à gauche que les autres tranches d'âge. Par exemple, lors des élections du Parlement allemand en septembre dernier, le vote des jeunes était en défaveur des partis de droite. D'après le magazine allemand Der Spiegel, 39% des 70 ans et plus ont voté pour le parti conservateur CDU, tandis que pour les 18 à 24 ans, ce chiffre n'atteignait que 11%. Lors du référendum du Brexit, 70% des jeunes britanniques voulaient que le Royaume-Uni reste un membre de l'UE. Pour expliquer cela, on peut soit partir du principe que les individus deviennent de plus en plus conservateurs avec le temps, soit que l'orientation politique a un certain lien avec la génération de chaque individu. Aux États-Unis, on mise plutôt sur l'effet de la génération et sont pointées du doigt les oppositions au sujet de la politique entre les soi-disant « boomers » et les « Generation Z » ou « millennials » qui semblent vouloir tout changer. Léandra, tu me dis tout changer, mais comment le font-ils ? Alors oui, ce changement peut paraître contradictoire pour certains quand on voit que les jeunes générations actuelles sont celles qui ont le taux d'abstention le plus haut, comme nous l'avons vu en France lors des élections régionales en 2021, où environ un jeune sur trois n'a pas été aux urnes. De manière plus générale, on peut dire que les jeunes sont de moins en moins investis dans la politique traditionnelle, avec l'importance qui est donnée aux partis politiques et tout ce qui en dessort. Cependant, leur manière de s'exprimer est de plus en plus appelée militantiste, avec des idéologies plus globales et des voix qui s'expriment dans des mouvements de manifestation digitale ou dans la rue. On a vu par exemple les manifestations de Fridays for Future, qui sont nées en Europe, mais aussi les mouvements lancés par le député européen Raphaël Glucksmann, qui consistaient à mettre un fond bleu sur les profils Instagram pour sensibiliser au sort des Ouïghours en Chine. Mais est-ce que cet activisme est dans les faits plus utile que celui qui consiste à s'engager dans le parti, voter, etc. ? Est-ce que le fait peut être aussi d'abaisser le droit de vote à 16 ans, comme cela est prévu dans le contrat de coalition du nouveau gouvernement allemand, pourrait-il aussi aider à une plus forte participation des jeunes dans la vie politique, qu'elle soit de gauche ou de droite ? Merci beaucoup Léandra pour toutes ces interrogations. Tu parlais à l'instant du choc intergénérationnel, on va donc remonter un peu le temps pour terminer cette émission. Juliette, une petite présentation de ton choix musical peut-être ? Bah, en fait, on termine par la chanson de gauche par excellence. Je dirais même la chanson communiste de référence. Je veux bien sûr parler de l'International. J'ai pris ma version préférée, hein, même si tu doutes que j'écoute pas l'International tous les 4 matins. Ah bon ? Ah bon ? Et c'est donc en Russie, et spécifiquement en langue russe, que nous l'entendons par les belles voix du chœur de l'Armée Rouge. Merci Juliette, l'international sur Europe & Roll. Nous, on va attendre la semaine prochaine pour vous reparler d'international et de l'actualité européenne. Merci pour votre écoute d'Europe & Roll. Vous pouvez nous retrouver en replay sur encore.fm, Spotify ou encore Google Podcast. Et sinon, à dimanche prochain, 13h sur Radio Fadjet.